Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvède Barine, chapitre 12. Comment le bienheureux François se rendit à la curie du pape avec 11 compagnons pour lui rendre compte de ses projets et faire confirmer la règle qu'il avait écrite. Le bienheureux François, voyant ses frères augmenter en nombre et en mérite, car ils étaient déjà 12 hommes courageux, dit aux 11 autres, lui, leur chef et leur père, faisait le 12e. Je vois, mes frères, que Dieu, dans sa miséricorde, veut accroître notre congrégation. Allons donc vers notre mère, la Sainte Église romaine, et annonçons au souverain pontife ce que le Seigneur a commencé à faire par notre moyen, afin que nous achevions ce que nous avons entrepris, suivant sa volonté, et par son commandement. Les autres frères ayant agréé cette parole du Père, et s'étant mis en route avec lui vers la curie, il leur dit, « Prenons un de nous pour chef et considérons-le comme le vicaire de Jésus-Christ, afin que là où il voudra s'arrêter nous nous arrêtions, et que nous nous abritions là où il voudra s'abriter. » Aussitôt ils élurent Bernard, le premier après le bienheureux François, et ils firent comme leur père leur avait dit de faire. Ils allaient donc joyeux, parlant le langage du Seigneur et ne disant rien qui ne tendît à la louange et à la gloire de Dieu et au bien de leur âme. Ils vaquaient souvent à l'oraison, le Seigneur leur préparait toujours un asile et leur faisait fournir ce qui leur était nécessaire. Arrivés à Rome, ils y trouvèrent l'évêque d'Assise qui les accueillit avec beaucoup de joie, car il vénérait François et les autres frères d'une affection particulière. Cependant, comme il ignorait la cause de leur venue, il s'inquiéta et craignit qu'ils ne voulussent abandonner leur patrie, dans laquelle le Seigneur avait commencé à faire tant de merveilles. Or il était heureux d'avoir dans son diocèse de pareils hommes, dont la vie et les mœurs lui faisaient espérer de grandes choses. Mais quand il eut appris la cause de leur arrivée et qu'il eut compris leur projet, il s'en félicita et leur promit ses conseils et son appui. Cet évêque était connu du cardinal évêque de Sabine qu'on appelait Jean de Saint-Paul, et qui, tout plein de la grâce divine, chérissait les serviteurs de Dieu. Comme l'évêque d'Assise lui avait décrit la vie de François et de ses frères, il souhaitait fort voir l'homme de Dieu et quelques-uns de ses compagnons. Ayant appris qu'ils étaient à Rome, il les envoya chercher et les reçut avec beaucoup de considération et d'affection. Pendant les quelques jours qu'ils passèrent avec lui, ils l'édifièrent par leurs discours et par leurs exemples. Voyant resplendir dans leurs œuvres le bien qu'on lui avait dit d'eux, il se recommanda humblement et dévotement à leurs prières, et leur demanda comme grâce spéciale de vouloir bien désormais le considérer comme un de leurs frères. Après avoir interrogé le bienheureux François sur le motif de sa venue et avoir appris tout son projet, il s'offrit à parler en son nom dans la curie. Le cardinal donc se rendit à la curie et dit au pape Innocent III, « J'ai rencontré un homme parfait, qui désire vivre selon la règle du Saint-Évangile et observer en toute chose la perfection évangélique. Je crois que le Seigneur veut, par lui, réformer dans le monde entier les fidèles de la Sainte Église. » Le pape, très étonné de ces paroles, ordonna au cardinal de lui amener le bienheureux François. Le jour suivant, l'homme de Dieu fut présenté par le cardinal au souverain pontife, à qui il exposa tout son dessein. Le pape, qui était doué d'un grand discernement, accéda à ses saints désirs, et après lui avoir adressé diverses exhortations ainsi qu'à ses frères, il les bénit et leur dit, « Frères, allez avec le Seigneur, et prêchez à tous la pénitence de la façon qu'il daignera lui-même vous inspirer. Et lorsqu'il vous aura fait croître en nombre et aura multiplié ses grâces en votre faveur, nous vous accorderons ce que vous demandez, et encore davantage, avec plus de sécurité. Mais Monseigneur le Pape, voulant que les privilèges qu'il leur accordait et qu'il devait leur accorder fussent selon la volonté de Dieu, dit au saint et à ses compagnons avant qu'ils se retirassent, « Mes fils, la vie que vous menez me paraît bien dure et bien rigoureuse. Votre ferveur, j'en suis persuadé, est si grande qu'on ne peut douter de vous. Mais il faut aussi songer à ceux qui vous imiteront, et veiller à ce que vos voies ne leur paraissent pas trop difficiles. » Mais voyant quelles étaient leur foi et leur constance et combien fermement ils s'appuyaient sur l'ancre de l'espérance en Christ, il dit au bienheureux François, « Mon fils, va et prie Dieu de te révéler si ce que vous demandez procède de sa volonté, afin que, sachant la volonté du Seigneur, nous puissions accéder à tes désirs. » Le saint de Dieu ayant prié, ainsi que le lui avait prescrit Monseigneur le Pape, le Seigneur lui parla en esprit par similitude et lui dit, « Une femme très pauvre et très belle se trouvait dans un désert. Un grand roi, admirant sa beauté, désira la prendre pour épouse parce qu'elle pouvait lui donner de beaux enfants. Le mariage ayant été fait et consommé, il naquit beaucoup de fils, et quand ils furent grands, la mère leur dit, « Mes fils, ne soyez pas honteux de vous-mêmes, car vous êtes les fils du roi. Allez donc à sa cour et il vous fournira tout ce qui vous est nécessaire. » Quand ils furent venus à la cour, le roi, admirant leur beauté, et reconnaissant sur leur visage sa propre ressemblance, leur dit, « De qui êtes-vous fils ?» Ils répondirent qu'ils étaient fils d'une femme très pauvre. Alors le roi les embrassa avec beaucoup de joie et leur dit, « N'ayez point de crainte, car vous êtes mes fils, et si des étrangers sont nourris à ma table, à plus forte raison vous le serez, vous qui êtes mes enfants légitimes. » Et le roi ordonna à cette femme d'envoyer à sa cour, pour qu'ils y fussent nourris, tous les fils qu'elle avait conçus de lui. François, ayant eu cette vision pendant sa prière, comprit qu'il était désigné par cette femme très pauvre. Son oraison achevée, il se présenta de nouveau devant le souverain pontife, lui exposa en détail ce que le Seigneur lui avait montré, et lui dit, « Je suis cette pauvre femme que le Seigneur a aimée, que, dans sa miséricorde, il a fait belle, et de qui il lui a plu d'engendrer des fils légitimes. Le roi des rois m'a donc dit que tous les fils qu'il engendrerait de moi il les nourrirait, car s'il nourrit des étrangers, il doit bien aussi nourrir ses enfants légitimes. Si Dieu donne des biens temporels aux pécheurs, parce qu'il veut nourrir tous ses enfants, il en donnera bien davantage aux hommes évangéliques qui les méritent mieux. » À ces paroles, Monseigneur le Pape fut très surpris, d'autant plus qu'avant l'arrivée du bienheureux François, il avait vu en songe l'église Saint-Jean de Latran menacée ruine, et un religieux, d'apparence faible et misérable, la supportait sur son dos. À son réveil, effrayé et étonné, il avait cherché, avec tout son discernement et toute sa sagesse, à comprendre ce que signifiait cette vision. Quand François, quelques jours après, vint lui révéler son dessein et lui demander d'approuver sa règle, qu'il avait écrite en termes simples, se servant des paroles mêmes du Saint-Évangile, à la perfection duquel il aspirait de toute son âme, Monseigneur le Pape, voyant sa ferveur, et comparant la vision qu'il avait eue à celle qui avait été manifestée à l'homme de Dieu, se dit en lui-même, « Celui-ci est vraiment l'homme saint et religieux qui relèvera et soutiendra l'Église de Dieu. » Aussi il l'embrassa et approuva la règle qu'il avait faite. Il lui donna de plus la permission de prêcher partout. Il la donna de même à ses frères, mais à condition qu'ils y fussent autorisés par le bienheureux François. Tout cela fut ensuite confirmé en consistoire. François rendit grâce à Dieu de ce qu'il avait obtenu, et, s'agenouillant, promit dévotement et humblement à Monseigneur le pape respect et obéissance. Les autres frères, selon le commandement du pape, promirent de même respect et obéissance au bienheureux François. François et les autres frères, après avoir reçu la bénédiction du souverain pontife et avoir visité les lieux apostoliques, furent tonsurés par les soins du cardinal, qui voulait que tous les 12 fussent clairs. Alors l'homme de Dieu laissa la ville et partit pour parcourir le monde, admirant avec quelle facilité ses désirs avaient été accomplis et sentant croître chaque jour en lui-même son espérance et sa confiance dans le Sauveur, qui, par ses saintes révélations, lui avait, dès le commencement, indiqué ce qui devait lui arriver. En effet, avant qu'il eût obtenu ce qui lui avait été prédit, il lui avait semblé, une nuit, pendant son sommeil, qu'il marchait le long d'une route près de laquelle était un arbre très élevé, beau, puissant et vigoureux. Il approcha, et tandis qu'il se tenait sous la cime de l'arbre et qu'il en admirait la beauté, le saint lui-même devint d'une telle taille qu'il touchait aux grosses branches et les inclinait facilement jusqu'à terre. Et c'est vraiment ce qui se passa en réalité lorsque Monseigneur Innocent, cet arbre le plus élevé, le plus beau et le plus fort qu'il y eut au monde, se plia avec tant de bienveillance à sa demande et à son désir. Mark M. Dan, archive.org. D'après la numérisation de l'Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.